Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est l'émission mensuelle du Grémos pour le mois d'avril 2022. Je suis en présence de Maurice Bedouin. Bonjour. Et, bonjour Maurice. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui peut-être va surprendre certains de nos auditeurs, qui concerne la jeunesse ouvrière chrétienne et l'action catholique ouvrière dans le département de la Loire. Et l'action catholique ouvrière dans le département de la Loire. Alors, pour partir sur ce sujet, Maurice, c'était l'occasion du cinquantenaire du diocèse, c'est ça, qui vous avez écrit avec plusieurs auteurs un article sur la mission ouvrière. Et dans cet article, il y a une première partie qui s'intitule « Un diocèse marqué par son histoire ouvrière ». Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on entend par mission ouvrière ? Alors, il faut bien comprendre que derrière le titre de mission ouvrière, principalement, c'était l'idée d'une organisation au niveau de l'Église pour donner la voix au monde ouvrier et permettre à toutes les composantes de l'Église qui sont en lien avec le monde ouvrier de s'exprimer, de conseiller et de prendre des décisions en lien avec l'évêque. D'accord. C'était une époque où, les années 1968-70, où le monde ouvrier était fondamental, comme tu le disais, un monde de mission aux yeux de l'Église. Et dans ces conditions, il était important de savoir comment ce monde ouvrier concevait l'action, comment il concevait ses liens avec l'Église et comment l'Église pouvait prendre en compte dans une pastorale globale. Alors, effectivement, ça, je disais, ça pose un certain nombre de questions pour, pour l'auditeur moyen qui associe mouvement ouvrier avec syndicat avec CGT, ou mouvement ouvrier avec parti politique avec parti socialiste, parti communiste, ça pose la question, effectivement, que vient faire l'Église là-dedans ? Alors, il me souvient quand même qu'il y a un livre fameux qui est paru, je crois, en 1947, qui s'intitulait « La France, pays de mission ». Je ne sais plus si c'est exactement la date, mais... C'est ça, oui. Donc, un livre... qui traitait d'un livre qui est écrit par des prêtres, Henri Godin et Yvan Daniel, et qui traitait de la déchristianisation du monde ouvrier. C'était la prise de conscience que le monde ouvrier prenait ses distances à la fois sur le plan des pratiques religieuses et à la fois par rapport au quotidien. Alors, il faudrait qu'on commence par là, en fait, en parler un petit peu. Cette rupture entre monde ouvrier et Église, elle est relativement ancienne quand même. Elle remonte au moins au XIXe siècle. Si on est un peu schématique, l'Église est associée au pouvoir, elle est associée au pouvoir économique, au patron, et le monde ouvrier est plus ou moins en déshérence dans cette situation-là. Et le mouvement ouvrier qui débute... Enfin, quand il commence à s'affirmer, il s'affirmait plutôt de manière anticléricale. Surtout à partir des années 1870. Parce que je pense qu'en 1848, ce n'était pas le cas. Il y avait une association assez proche. Mais 1870, c'est la répression de la Commune, l'association Monseigneur Dupanloup, toute cette imagerie qu'on a et qu'on va retrouver même jusqu'à Pétain et son régime. Et alors, face à cette situation, l'Église avait proposé d'avoir et de populariser une doctrine sociale de l'Église qui considérait que l'Église était que le monde ouvrier était une terre de mission, c'est-à-dire un domaine dans lequel l'Église avait à proposer une écoute et à proposer un travail avec le monde ouvrier. Oui, alors j'en reviens à cette question de la mission. Parce que pour beaucoup aussi, dans l'imaginaire collectif, la mission, c'est les pères blancs qui partent en Afrique, qui vont évangéliser. C'est pas comme ça que s'envisage la question de la mission ouvrière. Non, pas du tout. Il y a un double constat. Il y a un constat du monde ouvrier qui se sent mal à l'aise face au capitalisme et qui le rejette. Et par ailleurs, un constat que l'Église ne fait pas son travail. Et que il y a possibilité d'être un monde plus juste à l'intérieur de l'Église et un monde qui, dans lequel l'ouvrier ne serait plus considéré comme un instrument du travail, où l'ouvrier serait quelqu'un qui serait respecté, qui serait rétribué, on va dire, dignement. La juste valeur. Et être reconnu comme un être capable de s'impliquer dans un mouvement syndical. Tout ça, ce n'est pas donné à l'avance. Je crois qu'on peut tellement trouver d'exemples où l'Église a fonctionné en monde clos, avec une idéologie, une conscience de classe, qui n'est pas celle que le monde ouvrier pouvait espérer. Mmh. Alors, cette division, cette rupture, ce fossé peut-être qui existe, il est évident avant la guerre, d'autant plus que le monde ouvrier est de plus en plus représenté par la version communiste, qui est ouvertement athéiste, même un athéisme militant, donc qui représente le mal absolu. Ça me fait penser à 1936, qui est une date doublement importante, parce que c'est à la fois le renforcement de cette image, puisque 1936, c'est la guerre d'Espagne, et on sait que cette guerre, elle a eu un côté de lutte anti-religieuse, et en même temps, à la main tendue aux catholiques de Maurice Thorez, c'est-à-dire qu'il y a un début de retournement du Parti communiste. Et c'est à ce moment-là que se situe un des événements importants dont on a traité à la Cinémathèque, c'est-à-dire le fameux congrès fédéral de la JOC, donc Jeunesse ouvrière catholique, en mars. Le 1er mars 1936. Alors, est-ce que rapidement, tu peux nous parler de ce texte, de ce film, pardon, qui est un document intéressant qu'on peut consulter sur le site de la Cinémathèque. Oui, il est en accès libre. Alors, en fait, ça n'est pas un moment extrêmement important parce que des congrès fédéraux, il y en avait toutes les années. Oui. Mais pour nous, c'est la première fois que nous avons des images et un film portant sur un mouvement qui est tout jeune. Puisque les premières équipes de la JOC sont nées à Saint-Étienne en 1927. Et là, ce film date de mars 36. 1927, pour le situer, le mouvement vient de débuter avec quelques équipes dans le nord de la France ou dans la région parisienne. Et le film porte sur un regroupement de quelques équipes de quelques sections, comme on les appelait à l'époque, à la fois des sections de Londaine, des sections du Gier, de la Plaine du Forêt et évidemment de Saint-Étienne. Et ce rassemblement a lieu dans la salle des fêtes de Valbenouette. Alors ce film, a priori, n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt, parce que ce sont des images assez banales où on voit des jeunes qui arrivent, un peu endimanchés, des jeunes filles d'un autre côté, et puis ils disparaissent à l'intérieur de la salle. On voit aussi une bannière qui est déployée dans les premières images du film. Il nous intéresse ce film par le commentaire. Alors il faut peut-être expliquer comment les personnes de la Cinémathèque ont valorisé les images. Oui, donc je rappelle qu'il s'agit de films qui ont été tournés par l'organisation qui avait été créée par la Tribune républicaine de Louis Soulier. Donc c'est un ciné-journal, ciné-presse, qui fait des actualités hebdomadaires. Et ces films sont pour la plupart muets. Mais l'équipe de la Cinémathèque, avec Anaël Chevalier et Vincent Sabot, a beaucoup travaillé sur les articles qui sont parus dans la Tribune républicaine pour lire des extraits de ces articles qui permettent d'illustrer un petit peu ces images. Voilà, et en faisant attention à ces commentaires, on répond à la question qu'on se pose tous, mais qu'est-ce que c'est qu'être jociste en 1936 ? Qu'est-ce que c'est que cette espèce rare de jeunes qui croient quelque chose ? Alors, dans le commentaire de la Tribune, voilà ce qui est écrit et ce qui nous est retransmis dans le texte. Les jocistes ne sont pas de ceux qui vivent au crochet du christianisme. Ils sont les disciples du Christ pour servir et non profiter. Probablement que le journaliste qui a écrit ces lignes avait posé la question à quelqu'un qui avait organisé la réunion. Alors, moi, pour mon compte, je trouve que cette phrase est très clivante, puisqu'on a comme l'impression qu'il y a les jeunes de la bourgeoisie et puis les jeunes du monde ouvrier. Mmh. Et l'anathème est fort, les jeunes de la bourgeoisie, ils sont au crochet du christianisme. Ça veut bien dire que ce mouvement de la JOC est un regard critique. Ça veut dire que pour ces jeunes des ouvriers chrétiens, ils se sentent plus proches des jeunes ouvriers communistes que des jeunes ouvriers bourgeois. C'est bien ça, ça c'est une des questions qu'il faut qu'on explore entre nous, là, bien sûr. Il y a une espèce de conscience de classe quand même. Oui. Alors, je crois que il y a un certain nombre de vœux qui ont été proposés au cours de ce congrès et qui permettent de qualifier un petit peu les soucis des jeunes jocistes. J'ai été très intéressé par les périodes qui ont précédé le congrès fédéral, puisque pendant 4 mois, les équipes jocistes de Saint-Edmond ont fait une enquête pour savoir un petit peu mieux ce qu'était un jeune apprenti et un jeune ouvrier. Et voilà ce qu'ils ont trouvé et qui nous donne une information beaucoup plus importante que sur la JOC, mais sur le monde ouvrier de cette époque-là. À propos du choix du métier, ils se rendent compte que les jeunes, quand ils ont l'âge, ils prennent le premier métier qui leur est possible de prendre. On rappelle que l'âge à l'époque, c'est 13-14 ans. Ouais. La deuxième trouvaille qu'ils réalisent, c'est que les jeunes, dans leur travail, sont extrêmement instable. On change d'emploi très facilement et il le lie avec le manque de formation. Troisième constatation, les salaires, ce sont des salaires indignes. Et la conclusion qu'ils en tirent est intéressante parce qu'ils disent si les salaires sont tirés vers le bas, c'est à cause des jeunes enfants ou des femmes qui nous remplacent, nous les hommes. Voilà. Et alors, dans les 15 jours qui ont précédé, en février, le congrès fédéral dont nous parlons, il y a eu une campagne d'affichage et d'information où on a informé les populations de Saint-Étienne de ce qu'était la vie d'un jeune ouvrier. Par ailleurs, ils ont, à l'issue du congrès fédéral, comme tu le disais, Jean-Michel, rédigé des vœux qu'ils ont adressés au corps constitué, c'est-à-dire au préfet et au maire de Saint-Étienne. Les cahiers de doléances, en quelque sorte. Voilà ce qu'ils disent dans leurs vœux. La scolarité jusqu'à 16 ans. Alors, pour nous, évidemment, cette information, elle nous ouvre les yeux sur une demande très forte de la population de cette époque. Mais rappelons-nous bien que le Front populaire avec Jean Zay s'est contenté, mais c'est déjà beaucoup, de porter la scolarité de 13 ans à 14 ans. Donc on est loin du compte. Ils demandent une aide aux familles, pas seulement pour élever les enfants, mais tout simplement pour avoir des bourses et des allocations d'études, pour que les familles soient encouragées à permettre aux enfants de... Et puis, l'orientation professionnelle, à leurs yeux, est extrêmement importante et les jeunes doivent être éclairés sur les carrières qui leur sont offertes, demandent des formations en cours professionnels, des salaires de base reconnus, des fiches de paye qui sont données aux travailleurs au moment où ils touchent leur paye, et puis la diminution des heures supplémentaires qui était quelque chose d'outrancier. Voilà, un beau programme. Oui, et un programme qui montre que ces jeunes ouvriers, un petit peu à l'image de ce que fait le mouvement ouvrier dans les années 1870-1880, se préoccupent, comme tu l'as bien insisté, de la qualification. Donc, ils ont le souci du métier. Il me semble que tu avais une chanson, un texte à proposer un peu sur ce thème-là. Une belle chanson qui s'intitule « Nos mains » et qui date de 1967. Le feu doré, le pain. Alors, que les travailleurs reprennent le monde en main, le monde qu'ils ont fabriqué, c'est un petit peu le thème de cette chanson. C'est aussi ce qui est l'espoir en 1945, hein, les fameux jours heureux. Et en 1945, on sort de la guerre dans laquelle se sont impliqués beaucoup les jeunes. On n'a pas vraiment défini cette notion. Enfin bon, c'est quand même un terme qui est lié à l'âge, tout le monde le sait bien. Et en 1945, en gros, ceux qui s'impliquent dans la résistance, pour beaucoup, ce sont ceux qui n'ont pas été mobilisés qui ont essayé d'échapper au chantier de jeunesse et ensuite au STO. Donc, c'est des gens qui sont nés, grosso modo, entre 1920 et 1925-26, donc qui ont un peu moins, juste un petit peu plus ou un petit peu moins de 20 ans. Alors, il y a des jeunes communistes, on le sait, le Parti communiste a beaucoup communiqué là-dessus, mais il y a aussi des jeunes chrétiens qui se sont engagés dans la résistance et qui se sont engagés contre une certaine image de l'Église qui était au départ beaucoup liée au régime de Pétain. Donc, un monde nouveau qui semble apparaître en 1945 et en tout cas une sorte d'amitié, d'armes, compagnonnage d'armes et aussi une sorte de fascination des chrétiens vis-à-vis des communistes parce que c'est un parti qui avait l'organisation, qui avait le sens de la tactique politique qui était un parti dominant aussi en 1945. Et puis parce que c'était le parti qui semblait être le parti de la classe ouvrière. Donc cette fascination, elle va marquer les courants qui sont liés à la JOC, qui vont ensuite irradier dans le syndicalisme et dans les associations de locataires qu'on voit naître après 1945. Nous l'avions beaucoup constaté lorsque nous avions écrit l'ouvrage sur 1948 avec Jean-Claude Monneret. De cette vitalité de la jeunesse et aussi de cette conscience revendicative. Conscience revendicative qui fait partie intégrante de cette période d'espoir de l'après-guerre et de cette période où on croit que le monde ouvrier va pouvoir prendre en main son destin. Et alors, on parle aujourd'hui de la JOC, mais il y a bien d'autres mouvements de jeunes qui se créent et qui s'organisent avec beaucoup de vitalité à cette époque. Alors du côté communiste, c'est l'Union des jeunes de la République de la France. C'est aussi les jeunesses socialistes. C'est aussi le mouvement laïque des auberges de jeunesse, etc. Et comme tu le disais, il y a un savoir-faire. Le savoir-faire, ça passe par des réunions. Ça passe par des habitudes de partager des loisirs, partager des paquets de cigarettes, partager de la boisson aussi parfois. Du côté de l'UJRF, nous avons les sections de jeunes syndiqués, alors que du côté de la JOC, nous avons les carrefours de jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans ces carrefours de jeunes, on invite largement, de même que du côté de l'UJRF. Ce qui veut dire qu'on va avoir des jossistes qui vont se retrouver avec ces regroupements communistes et aussi des communistes qui viennent de façon temporaire dans ces conférences de jeunes. Et c'est ainsi qu'en 1948, il y a une utopie de croire que la jeunesse va pouvoir sortir le monde de sa torpeur et permettre l'entraide. Et là, désillusion profonde de la JOC qui voulait que l'entraide soit organisée par les syndicats parce que pas mal du tout de se dire ce sont les adultes quand même qui ont à prendre en charge. Hein. Donc les syndiqués CGT, CFDT et FO. Et puis nous l'avons bien étudié, cela n'a pas été possible pour des raisons qu'on ne va pas développer, mais ça n'a pas été possible. Alors, dans ce mouvement JOC, il y a aussi une désillusion vis-à-vis, donc tu l'as cité, de la centrale chrétienne, la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens. Et il y a toute une tendance qui bouillonne à l'intérieur de la JOC qui va contribuer à faire évoluer cette CFTC. Mais ça va prendre la voie de la déconfessionnalisation. Alors, c'est là qu'on a une espèce de paradoxe entre on est chrétien ou on n'est pas chrétien. Voilà, c'est une question extrêmement intéressante. Ces militants, ou plutôt quelques-uns de ces militants, sont sur une ligne de crête. Pourquoi je parle d'une ligne de crête ? Parce que il y a d'une part un déséquilibre, comme tu le disais, par rapport à la hiérarchie. L'Église affiche son triomphalisme. Elle fonctionne comme un ghetto. Elle cléricalise les syndicats, la CFTC. Mmh. Elle cléricalise les partis politiques, le MRP. Et elle condamne formellement le communisme avec le décret du Saint-Office. Et en quelque sorte, elle se considère comme le dépositaire de la vérité. Et ça, ça passe pas. Et de l'autre côté de la ligne de crête, eh bien, ces jeunes ou ces plus anciens prennent conscience de leur appartenance à la famille ouvrière, prennent conscience qu'ils ont à partager les luttes par souci de justice, parce qu'ils sont convaincus qu'il faut vivre une révolution et, malgré tout, de rester fidèle à l'Évangile. Alors, quelques-uns adhèrent à la CGT. Mmh. La grande majorité ne fait pas le pas. Deux mots quand même, parce que je pense qu'il faut être assez explicite. Tu as parlé d'Évangile. Donc, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, la bonne parole. Alors, qui détient la bonne parole ? C'est Rome ou c'est ces jeunes ? Et au nom de quoi ? J'aimerais que tu nous situes un petit peu par rapport au texte des évangiles, justement. Alors, sans faire de l'exégèse, bien non, sûr. Non, non, non. L'esprit du mouvement, c'est voir, juger, agir. Mm-hmm. Je crois que les termes sont assez connus. C'est-à-dire qu'on est du monde, on a les deux pieds, les deux mains dans le monde, dans le cambouis. Et il faut le voir, il faut l'écouter. Et ce sont souvent une bonne partie des rencontres des jossistes ou des membres de la CO qui portent là-dessus. Quand tout à l'heure nous parlions d'enquête, ben c'est vrai qu'il y avait chaque année des thèmes d'année qui étaient le thème d'écoute et de recherche. Donc voir. Juger. Alors c'est là qu'on va retrouver cette préoccupation. On ne peut juger que par rapport à quelque chose que l'on partage. Ce que l'on partage, semble-t-il, dans ces réunions de JOC, c'est la vie des premières communautés chrétiennes. Parce que le message du Christ, oui, bien sûr, mais ce message du Christ, c'est surtout celui de la vie des premières communautés. Et ces premières communautés chrétiennes, elles ressemblent étrangement à ce monde ouvrier de la période des années 60-70. Et puis, agir, la troisième domaine, agir, oui. C'est pour ça qu'on voit ce monde ouvrier aux luttes, au plus près des luttes, dans la nécessité de prendre des décisions, dans la nécessité d'aller jusqu'au bout, parfois, de la grève et de la solidarité. Oui. Si je me souviens bien, le message, une des paroles importantes du Christ, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec la notion de lutte de classe que met en avant le PC et la CGT ? Il faut choisir son camp. Et je crois, alors là, je crois que c'est assez clair, surtout en 1963. 1963, grève nationale des mineurs. C'est un moment très important. Uniquement les mineurs. Oui. Or, pourtant, les autres grèves qui étaient plus unitaires avaient été parfois conflictuelles. Mais celle-ci ne l'est pas du tout. Les mineurs de 1963 sont totalement soutenus par les ingénieurs, entre parenthèses, mais aussi par la population. Et ils sont soutenus par l'Église. Alors, j'ai eu la chance de trouver des comptes rendus de rassemblement d'un mouvement qui s'appelait l'ACGF, l'Action catholique générale des femmes. Et dans ce rassemblement, dans cette réunion, ces femmes exprimaient alors très clairement qu'elles n'étaient pas du tout d'accord avec ce type d'aspiration, ce type de liberté et cette conception du bonheur. Et elles accusaient non seulement les jossistes, ils sont connus, mais aussi l'évêque. À un point tel, l'évêque s'appelait Marius Mazier. À un point tel qu'elle disait « Il n'est pas possible de collaborer avec un mouvement athéiste. Et on ne va pas faire assimiler et le communisme et l'Église. » Un petit peu avec la peur de se voir confisquer la conscience populaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que devant cette situation, l'évêque a été obligé de rédiger un texte qui a fait partie d'un numéro spécial de l'Essor, qui est de 1963. Et on voit là l'évêque Marius Mazier prendre délibérément le parti des grévistes et délibérément demander à ce qu'une population montre sa solidarité avec le monde des grévistes. En somme, les plus mal à l'aise dans toute cette histoire, c'était les prêtres ouvriers. Et un qui est bien connu, c'était Maurice Combes. Mmh. Et Maurice Combes, par moments, ne savait plus où il en était. Voilà ce qu'il écrivait. « Il y a des moments où, dans l'usine, je ne me sens d'accord avec personne, ni le patron, ni les copains, ni le parti communiste, ni les syndicats, ni l'Église. » Alors, cri de désespoir, peut-être pas. Cri de vérité, oui. Parce que dans des situations aussi délicates, aussi difficiles, eh bien, il fallait trancher. Et c'est un petit peu la réponse que je peux te faire à la question que tu posais. Alors, les prêtres ouvriers, c'est une expérience qui est plus ancienne et qui a d'ailleurs été condamnée par l'Église. Oui. Donc, l'ACO et la JOC sont... j'allais dire béni par la hiérarchie. Comment ça se concrétise? Alors, je pense, d'après ce que tu viens de dire, que 63 est un moment important, parce que l'Église est aussi en train de changer. C'est l'époque du fameux Concile de Vatican II. Bien sûr. Et puis, le syndicalisme est en train de changer, puisque l'année d'après, la CFTC évolue en grande partie vers la CFDT, déconfessionnalisée. Alors, c'est vraiment à ce moment-là que que s'implante de façon importante l'ACO dans le département et dans le bassin stéphanois. Alors, certainement, oui, qu'on peut le situer à cette époque-là, avec des lieux un petit peu spéciaux. Il ne faut pas considérer que tout est identique partout. À mon avis, il y a une commune dans laquelle il se passe des choses intéressantes, c'est la commune de la Talaudière. Oui. Parce que nous avons des militants ACO qui appartiennent à la CGT, dont l'un d'eux qui est le... Michel Bouteille. Oui, Michel Bouteille est un exemple particulièrement intéressant que nous avions rencontré dans les précédentes rencontres d'histoire ouvrière. Il avait apporté son témoignage et voilà ce qu'il nous avait dit. Il nous avait dit, eh bien, pour moi, l'ACO, ça a été l'équivalent d'une véritable université. Et il avait expliqué qu'il avait tout simplement appris à prendre des notes, à écouter, à lire, à faire des comptes rendus de réunion. À parler. À parler, à s'adresser à une assemblée. Et tout cela l'a conduit lorsqu'il a eu des responsabilités syndicales, puisqu'il est allé au conseil syndical de la CGT, à être un trublion, parce que ses collègues, ses camarades, le voyaient différent et se disaient « mais il sort d'où ?» Et c'est ce qui lui permet de dire « ben oui, j'ai tout appris à travers ce mouvement. » Oui, et là, on voit bien l'exemple du Parti communiste et des écoles de formation. Bien sûr. C'est ça. Donc, ces militants, est-ce qu'on peut tracer un portrait global d'après, je crois que l'article, je ne sais pas s'il est déjà paru, mais enfin l'intervention que Alban Graziotin a fait aux rencontres d'histoire ouvrière qui était consacrée au monde ouvrier et religion, il avait dressé un peu un portrait de ces militants. Hein? Oui. Eh bien, le parcours, parcours typique, mais ouais. Tout le monde s'échappe de ce parcours oui, typique, évidemment. C'est fait pour ça, un parcours typique. C'est, à partir de 16 ans, quitter la JOC et rentrer à la CO. Oui. Jusqu'à quand reste-t-on à la CO? Bah, c'est difficile à dire. La simplicité dirait de dire jusqu'à 25 ans, mais en réalité, c'est jusqu'au mariage. Et au-delà du mariage, eh bien, c'est le militantisme du couple, parfois, oui. Ou le militantisme individuel qui fait que l'on retrouve les copains là où on trouve. La question qui se pose, c'est où va-t-on rencontrer les copains? Est-ce qu'on les rencontre sur le quartier ou dans le milieu du travail? Et il y a les deux possibilités qui sont offertes. Oui, d'où des militants qui sont souvent multicartes, pour parler en termes de VRP. Ils sont syndicalistes, ACO, partis politiques, de gauche souvent, souvent de gauche, associations de quartier. Et quand on voit les femmes, c'est à l'école, représentantes des élèves, voilà, c'est ça, sur le quartier, ouais. Dans les épiceries, etc. Voilà, et ce que disait Alban, je vais relire un passage de son texte, « Comment être un militant chrétien et un militant ouvrier ?» disait-il. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas tant le caractère ouvrier des individus qui composent ces groupes qui comptent, tous ne le sont pas ou plus, que la reconnaissance et la possibilité de retrouver la vie du Christ, le message des évangiles, dans l'expérience des ouvriers et des ouvrières. Alors, il y a un tournant, et on va peut-être faire une petite pause avant, mais d'en parler. Ce tournant, c'est en gros le moment où la crise touche profondément la classe ouvrière et la région de Saint-Étienne à partir de 1973-74. Et on fait une petite pause. Tu crevais de faim dans ta misère. Alors cette chanson, Le Chiffon Rouge, moi je trouve qu'elle est tout à fait intéressante. Alors elle date pas de 1945, mais quand même, le jour se lève et il fera bon vivre demain, ça pourrait être 1945. Ouais, mais ce sont les impensés du monde ouvrier qui vont rester éternels. Oui. Et alors c'est donc, tu peux nous en dire quelques mots de cette chanson? Oui, c'est une chanson qui est très célèbre, qui est reprise dans beaucoup de meetings CGT et réunions assez haut. Elle est très entraînante, elle a de grandes qualités. Elle date de 1977. Elle date d'une époque où la ville du Havre organisait des fêtes qui s'intitulaient « Juin dans la rue ». Et qui était préparé plusieurs mois à l'avance. Et chaque quartier tirait au sort, là, tout du moins en 1977, chaque quartier a tiré au sort une couleur de l'arc-en-ciel. Et elle était chargée de prévoir une animation autour de cette couleur. Alors, il y a donc un quartier qui a tiré la couleur rouge, qui a écrit un texte. Ce texte, ils l'ont fourni à un parolier qui s'appelle Maurice Vidalin. Et c'est Michel Fugain qui a fait la musique et qui a permis de faire de cette chanson quelque chose... Un tube. Un tube. Hein. Ouais. Et je sais qu'à l'époque, elle avait été chantée par Michel Fugain devant 40 000 personnes au Havre. Alors, cette chanson a été reprise dans les années 1980. Elle a été reprise lors des luttes sociales et souvent... Elle est restée l'indicatif de la radio Lorraine Cœur d'Acier. D'accord. Oui, donc c'est un hymne, ouais. Peut-être pas aussi important que l'international, mais pas loin quand même. En tout cas, au niveau français, c'est un hymne qui est significatif. Et Michel Fugain était assez fier de cette chanson, puisqu'il a dit à une occasion, « Ma Légion d'honneur, c'est le chiffon rouge ». D'accord. C'est beau, hein? Oui, alors, il y a un film aussi qui paraît à peu près à la même époque qui s'appelle Le Fond de l'air est rouge. Et c'est l'époque, effectivement, internationalement et localement, c'est l'époque où les choses commencent à s'envenimer sur le plan de l'emploi, sur le plan de la crise industrielle. Et un certain nombre de ces événements vont avoir lieu dans la commune de la Talaudière, ou plus exactement dans les deux communes, la Talaudière-Sorbier, dans lesquelles la CO et la JOC ont joué un rôle important. Oui, c'est sûr que c'est peut-être le plus bel exemple, le conflit chez Selduc, qui a commencé alors de très bonne heure au début de janvier 76. Et c'est une usine qui comptait 170 salariés, qui était répartie sur deux établissements, qui était spécialisée dans la fabrication de transformateurs et de composants électroniques. Qui comptait beaucoup de jeunes filles, d'après l'article d'Alban. Oui. Ouais. Et le conflit a duré de façon perlée ou de façon dramatique jusqu'en juin 76. Avec 56 jours de grève effectif et occupation de l'usine. Alors c'est vraiment un conflit typique des affrontements de l'époque. Juin français, par exemple. Donc occupation, grève perlée, occupation, lockout aussi. Et puis, lockout, oui, puisque lorsqu'ils occupaient l'usine, ils interdisaient les camions de rentrer dans l'entreprise et de sortir. Et licenciement de beaucoup de délégués. Et tout cela débouché sur les licenciements. Terrible. Alors, il y a dans l'article d'Alban quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que l'implication des prêtres, notamment de Pierre Giron, aumônier ACO, qui, lors d'une messe au Grand Quartier à Sorbier, évoque cette grève. Donc, c'est, je crois, le dimanche 25 avril. Et l'article d'Alban raconte... Parce que finalement, c'est peut-être quelque chose... On va retrouver un petit peu ce qu'on disait au début. Raconte les affrontements verbaux, heureusement, qui ont lieu à la sortie de la messe entre les partisans de la grève et puis ceux qui pensent que ce n'est pas une affaire de chrétiens de s'occuper de ce genre de choses. Ah, il n'y a pas unanimité sur l'affaire Selduc, c'est évident. Bien que la presse ait couvert l'événement avec une réelle sympathie pour le mouvement... Pierre Giron, dont tu parlais, là, qui est l'auteur du prêche, et de plusieurs autres prêches d'ailleurs, savait qu'il était soutenu. Et qu'il était soutenu par, alors on revient au début de notre émission, par le délégué de la mission ouvrière auprès de l'évêque de l'époque, qui était Henri Sabot. Henri Sabot habitait dans la Cure du Soleil, donc à quelques kilomètres de la Talaudière, et réunissait d'abord les prêtres ouvriers, bien sûr, mais aussi tous les prêtres de la vallée du Gier, de l'Ondaine, pour parler de ces événements-là. Donc il est bien vrai que quand Pierre Giron s'exprime, il exprime une pensée qui n'est pas seulement la sienne, mais qui est bien celle d'une partie de la hiérarchie. De la hiérarchie. Et alors, cette grève, elle s'est terminée. Bon, finalement, l'entreprise a fini par disparaître. Oui. Alors, autant on peut dire dans certaines grèves, elles ont été menées par la CGT, autant celle-ci a été menée conjointement par les syndicats, ce qui est leur rôle, bien entendu, et par l'ACO. Qu'est-ce qui a été particulièrement intéressant dans cette manière d'entourer la grève ? Ce sont d'abord des rencontres de travailleurs. Alors, quand Alban parle de travailleurs, il ne faut pas se méprendre. Ce n'est pas des rencontres de travailleurs seulement de Selduc. Ce sont les travailleurs de la Talaudière et des environs. La commune. D'accord. Ce sont aussi des rencontres entre femmes des grévistes. Parce que, on le sait bien, ça, Jean-Michel, le moral d'un gréviste, la constance dans la grève, elle ne vient pas seulement du syndicat, elle vient aussi du dialogue qu'on peut avoir avec son épouse. Et là, il s'est échangé, semble-t-il, des paroles extrêmement importantes. Et puis, je crois que ce que l'on découvre à travers cette grève de Selduc, c'est l'importance de l'information. Avec des assemblées générales qui sont suivies par des comptes rendus qui sont largement distribués et qui sensibilisent à la fois l'action du syndicat et l'action des travailleurs. Et en fait, dans ce que tu viens de dire, le rôle de Michel Bouteille est important. Parce qu'il était militant syndical et militant ACO, donc c'est ce qui permet le lien. Et oui, et puis quand on est du pays, entre guillemets, la parole a une force incomparable. Bien, alors, on va terminer, mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'ACO et de la JOC ? Aujourd'hui, où les syndicats sont quand même mal en point, et je pose cette question parce que ton article traite de 50 ans de mission ouvrière, donc, et nous amène jusqu'à 2022. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui de l'ACO et par rapport aux spécificités du monde ouvrier qui ont quand même bien changé depuis 50 ans ? Bien sûr. Est-ce que le terme d'ouvrier, quand on parle de l'ACO, quand on parle de la JOC, est un terme qui reste valide ? C'est une question qui se pose à l'intérieur du mouvement, j'en suis sûr. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est sous le nom d'ouvrier est en fait une galaxie de fonctions dans le monde, on va dire, de ceux qui sont des opérateurs. Bon, c'est un terme qui ne me plaît pas du tout, mais qui englobe beaucoup de choses. Mais opéra, en italien, c'est ouvrier. C'est ceux qui sont à l'œuvre, ceux qui... C'est les ouvriers italiens. Oui. Donc, il y a les OS, il y a les chômeurs, il y a les précaires, il y a les employés, il y a les caissières de magasins. Et puis, alors, les techniciens, les cadres, les étudiants, j'oserais presque dire les médecins, puisqu'il y a des médecins. Donc, on est à 100 lieues de ce que l'on avait pu croire quand on a commencé l'émission, de dire ce sont des jeunes qui sont en formation, ce sont des jeunes qui découvrent le monde du travail. Non. Ce sont des gens qui découvrent le monde de la pauvreté, de l'exploitation, et qui ont tous quelque chose à échanger. Le but, pour aller jusqu'au bout de ta question, le but, c'est de pouvoir s'exprimer et c'est de pouvoir réfléchir. Finalement, est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, il existe beaucoup de lieux où on peut parler de son travail, où on peut parler des contraintes qu'on subit, qui sont des contraintes qui sont parfois vécues comme des stress ou qui sont vécues comme des moments extrêmement pénibles. Pourquoi y a-t-il autant d'ouvriers qui abandonnent leur poste? Pourquoi y a-t-il autant d'emplois, de jeunes qui changent d'emploi au bout de quelques années? Tout ça, c'est une question de contemporaine de ce 21e siècle. Et je crois que c'est dans des organisations de jeunes, des organisations syndicales ou autres, que l'on peut vraiment faire le point là-dessus. Alors c'est la question que posait le Congrès fédéral de 1936, mais les raisons ne sont pas les mêmes. Pas du tout, pas du tout. Alors, communiquer aujourd'hui, beaucoup de jeunes le font par les réseaux sociaux. Est-ce que la CO et JOC utilisent ce vecteur ou... Oui, je crois bien qu'on trouve sur les réseaux sociaux des éléments, bien sûr. Bon, en tout cas, l'auditeur qui voudra en savoir plus pourra déjà réécouter l'émission. Et puis, il pourra aller consulter le site du Grémos que nous alimentons quotidiennement et sur lequel, donc, grémos.fr, hein, c'est facile d'accès. Et sur lequel il y aura bientôt, je pense, les textes de ces fameuses rencontres que nous avions organisées sur monde ouvrier et religion. C'était en 2019. C'était avant le Covid, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et donc, pour finir, quelques mots sur notre agenda. Maurice, nous avons participé depuis le mois de janvier à la présentation des films que nous avions évoqués tout à l'heure à la Cinémathèque. La prochaine séance aura lieu, alors je vais me tourner du côté de Lionel. Oui, bonjour, en fin d'émission. Et oui, du côté de la Cinémathèque, alors il y a plusieurs rendez-vous, c'est les 100 ans de la Cinémathèque. Oui, et effectivement, les rendez-vous sont nombreux. Alors, dans les prochains, on va dire d'ici notre émission prochaine, c'est-à-dire jusqu'au 21 mai prochain, il y a quelques rendez-vous fin avril, début mai. Alors, je ne sais pas exactement sur lesquels vous intervenez, mais disons que moi, j'avais noté les 3 et 4 mai, des conférences, projections et journées d'études qui portent sur l'habitat. Habiter les marges, habiter la cité. Je crois que c'est un travail de la sociologue Sophie Pichon, me semble-t-il, et qui font l'objet donc de projections, de conférences, le 3 mai à 18h et le 4 mai en journée, puisque c'est vraiment une journée d'études qui porte sur bidonville et campement urbain. Donc c'est bien de cela qu'il s'agit. Non, et puis, nous, en fait, nous participons à la présentation du ciné-journal Ciné-Presse. Alors Ciné-Journal, le Ciné-Journal Ciné-Presse est projeté avant chaque séance, en fait, régulièrement au fil de la programmation. Il y aura par exemple la question des industries stéphanoises. Ciné-concert de Joanne Fargeau, on peut l'annoncer, c'est pour le 12 mai prochain en après-midi à 14h30. Que peut-on annoncer encore? Le Ciné-Journal, retrouver une séance spéciale avec là vraiment une programmation dédiée, ce sera le samedi 14 mai à 14h30. Et puis dans ce que j'ai une séance qui est consacrée à l'école sur laquelle nous allons participer. Alors sur l'école, je ne sais plus, mais voilà, il y en a plusieurs. C'est vrai que voilà, moi j'ai retenu la guerre d'Algérie également qui fait l'objet de séances spéciales. Ce sera fin mai prochain, le vendredi 20 mai à 14h30, dans le cycle qu'a mené et que mène la Cinémathèque Histoire et Mémoire de la guerre d'Algérie. Après, me semble-t-il, on peut se renseigner facilement en disposant du programme trimestriel de la médiathèque Cinémathèque. Entre autres informations, peut-être Jean-Michel et Maurice, la conférence de votre collègue, tout à fait, Jean-Paul Gachignard, qui interviendra, alors ce sera le samedi 30 avril, conférence sur les catastrophes minières de Roche-la-Molière, sur l'invitation de l'association Amis Proches, donnera cette conférence donc le 30 avril, samedi après-midi à 17h30, dans la chapelle du château de Roche-la-Molière, sur la thématique précise, puis Combes, puis Charles, les catastrophes minières de Roche-la-Molière. L'entrée y est gratuite. et la présentation sera suivie d'un échange donc entre public et intervenants. Et puis on renvoie bien sûr sur le site, comme tu le disais Jean-Michel, hein, gremos.fr, où on retrouve bon nombre d'autres articles et un agenda également qui est régulièrement mis à jour. Puisqu'on évoquait la mine, simplement peut-être dans le cadre de la Biennale internationale du design qui se tient actuellement, et notamment les conférences rencontres sur la question de l'habitat interviennent dans ce cadre-là à la Cinémathèque, il y a actuellement, depuis le 6 avril jusqu'au 31 juillet prochain, une exposition un peu spécifique qui s'intitule « Habiter l'héritage post-minier, des traces pour faire milieu » jusqu'au 31 juillet au musée de la mine, donc du parc Courriot-Joseph Sangdols, où il est question bien sûr du patrimoine industriel, abordé de deux manières. La première avec une exposition interactive intitulée « Secrets de fabrique, le patrimoine industriel s'expose » et la seconde qui est ciblée sur le territoire intitulée « Sub Limis, l'héritage minier rechargé pour faire paysage autrement ». Voilà, on peut indiquer qu'il y a cette exposition spéciale sur le musée de la mine de Saint-Étienne. Je crois qu'on a fait à peu près le tour du... Notre prochaine émission, le jeudi 19... C'est le 19 mai. Voilà, ce sera le troisième jeudi de chaque mois, comme habitude. Je disais le 21, c'est le 21 avril aujourd'hui. Le 19 mai pour la prochaine émission. Et me semble-t-il que je souhaitais rajouter une information, mais que j'ai perdu. Mais c'est pas grave. L'exposition qui a fait l'objet d'une émission spéciale du Grémos, c'est l'exposition également encore visible du côté des archives municipales. Ah, voilà. Oui, c'est ça. On peut terminer là-dessus, si tu veux faire rappel. Eh bien, rappeler sur l'émission, cette exposition qui est toujours visible dans la cour du bâtiment des archives municipales, qui concerne l'alimentation. Alors, je me souviens plus le titre exact. L'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Voilà, oui. C'est ça, c'est exact. Nourrir la ville. Très très bonne exposition à laquelle nous avons consacré une émission au mois de janvier. Voilà. Eh bien, on termine là-dessus. Merci profitez beaucoup. Du mois prochain, en attendant le prochain rendez-vous radio avec le Grémos. Merci Maurice, merci Jean-Michel. À très bientôt. Merci.